Le journal bulgare Novo Rapotnitsesko de Long du mois de mai a présenté un numéro spécial sous le titre « Promotion du respecté camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti Travail de Corée ». Il a informé de son élection au poste de président du Parti Travail de Corée selon la volonté et le vœu unanime de tout le peuple coréen lors du 7e congrès du Parti Travail de Corée tenu sous une grande attention du monde et des cérémonies organisées en Bulgarie à cette occasion. Il a inséré une photo du maréchal Kim Jong-un.